Si Macron, qui est là, si les garçons, pourquoi ils ne parlent pas au Burkina Faso, se pavaner, dicter son programme, dicter son emploi du temps, comme si nous ne savons pas que la France a faim. Nous sommes au courant que la France est en pénurie. Il y a le délestage. Ils ont faim, ils n'ont pas d'argent. Le Mali s'est retiré de leur... en fait, ils ne peuvent plus plier l'or du Mali sous le prétexte, sous couvert du terrorisme. Bref, je ne vais pas trop m'aventurer là. Donc, c'est juste pour dire que la France est en difficulté. Macron s'arrête chez lui pour dire à des gens, bien évidemment, qu'il a installé au pouvoir, qu'il a mis en place, qu'il va venir, il va faire ceci, il va faire cela. Quand il dit qu'il va venir pour faire fleurir l'agriculture, c'est parce qu'ils ont faim. Afrique Média, le monde, c'est nous.